théorie devra une réponse à votre question. Avez-vous quelque idée sur les remous expérimentés sur la plage du 7e lac à Jersey? On n'a rien compris. Un, deux, un, deux. Oui? Oui? Okay. Avez-vous quelque idée sur les remous expérimentés sur la 7e plage, sur la plage du 7e lac à Jersey? Fini ma partie. On a l'air des beaux grippés. Il n'y a rien là. Puis-je demander avec une voix mentale que l'astral éloigne de moi certaines personnes? J'ai essayé, mais ça ne marche pas fort. Pourquoi ces personnes que je ne veux pas voir sont continuellement dans mes jambes? Parce que vous êtes trop grand. Ça va de soi qu'on peut, avec une voix mentale, avoir de l'autorité mentale dans le monde astral. Mais une chose certaine, c'est que les individus qui nous achalent, la première chose, c'est aussi de leur dire. Parce que si ce n'est pas une manipulation de l'astral extérieur, c'est donc une manipulation ou simplement un fait de leur propre monde astral, donc de leur propre âme, donc de leur propre psychologie. Or, nécessairement, en s'adressant à l'astral extérieur, ça ne changera rien sur ces personnages. À moins qu'on veuille faire de la magie noire et qu'on veuille influencer carrément leur propre libre arbitre. Sinon, la personne devrait s'arranger pour vérifier si ces individus-là n'ont pas quelque chose à lui apporter. De ce fait, même une autorité mentale dans l'astral ne changera rien si c'est de l'intelligence qui manipule les choses. Si le libre arbitre n'existe pas, demander avec une voix mentale à l'astral de cesser les manipulations ou de ne pas le demander revient au même, puisqu'il y aura des manipulations, s'il y a à en avoir, qu'on demande ou non de les cesser. Mais non! Voyez-vous, manger une pomme ou ne pas manger la pomme, ça ne revient pas au même. Se laver ou ne pas se laver ne revient pas au même. On n'a pas plus de libre arbitre. Quand quelqu'un dit « je suis en contact avec mon esprit », qui est le « je », l'esprit ou l'ego? L'ego. Comment l'esprit peut-il dire qu'il est en contact avec son esprit? Justement, il ne dit pas. Oui, c'est ça. L'ego. Et donc, l'expression est une contradiction. Et l'expression n'est pas une contradiction, vu que c'est l'ego qui dit ça. Puis quand l'ego dit ça, il n'est pas en contact avec l'esprit. Mais il peut le dire, par exemple. Il peut penser qu'il l'est. Ah oui, il est en contact avec la mémoire du contact. Mais il n'est pas en contact avec l'esprit. Puis quand l'esprit est en contact avec le corps physique, l'esprit s'en fout. Il n'y a pas de gloire pour l'esprit d'être en contact avec le corps. Il y a une gloire pour l'ego d'être en contact avec l'esprit. Mais quand l'ego est en contact avec l'esprit, l'ego n'a pas la capacité de s'exprimer, donc l'ego ne dit pas « Hey, je suis en contact avec mon esprit ». Surtout que l'ego, en plus, en disant « mon », l'esprit lui appartient, c'est tout à fait l'inverse. Et quand donc l'ego dit ça, c'est pas contradictoire, c'est juste faux. Si tu connais le contenu des secrets des lieux interdits, c'est que tu y as eu accès. Comment peut-on avoir accès à des lieux en n'y allant pas, et donc les yétis et autres gardiens physiques sont inutiles puisqu'on ne peut y pénétrer sans y aller. Puisqu'on peut y pénétrer sans y aller. Tout à l'heure, on a expliqué que on pouvait savoir qu'il y avait un coffre-fort, mais on n'en connaissait pas le nombre d'argent qu'il y avait dedans, ni la devise. Dans les lieux interdits, je sais qu'il y a de la mémoire. Si vous me demandez maintenant de vous expliquer ce qu'il y a dans la mémoire, ça, je ne le sais pas. Je n'ai jamais été dans ces lieux interdits. Je sais tout ce qui concerne le lieu. Je sais tout ce qui concerne ce qui est à l'intérieur du lieu, mais je ne en sais pas plus. Ça ne m'intéresse pas d'en savoir plus non plus. Daniel, quel est le but réel du voyage de Mère Teresa actuellement à Montréal? David? Ouais. C'est une très, très bonne question. Il y a effectivement un but réel, donc un but ésotérique, c'est-à-dire une raison cachée, qui se sert comme excuse la marche avec le mouvement pro-vie de Rajesh Chopra. Mais encore une fois, quand on me pose des questions, c'est des personnes qui ne sont pas encore décédées ou des événements qui sont trop immédiats, ça pourrait, si je réponds, amener des problématiques pour moi, pour d'autres personnes, souvent aussi pour les gens pour qui on peut parler. Alors, je préfère ne pas en parler. Si Mère Teresa ne veut pas le dire, eh bien, c'est que on ne le dit pas. Peux-tu élaborer sur la foi? Bon, de par définition, la foi, c'est la croyance exagérée dans un concept. Bon, je n'ai pas posé ça dans le petit Larousse, évidemment. C'est Robert? Non, même pas. Un petit Daniel. Celui avec la grande boîte? C'est ça, celui avec la grande boîte. Alors donc, la foi, qu'est-ce que c'est? La foi, c'est absolument essentiel à la majorité des humains. La foi, c'est la certitude, c'est-à-dire c'est la croyance dans une croyance. C'est cela, la foi. Alors, on peut croire en un Dieu, mais on peut croire dans la croyance d'un Dieu. La foi, c'est lorsque la conscience de l'homme s'oblitère totalement en fonction d'un concept qui a été implanté dans la conscience, donc dans son âme, dans sa psychologie. Et l'être humain, pour ne pas souffrir la possibilité de vivre de l'incertitude pendant un laps de temps de sa vie, et l'être humain, pour ne pas risquer de souffrir le fait de ne pas savoir pendant un laps de temps de sa vie, l'être humain, pour ne pas risquer de souffrir l'ignorance pendant un laps de temps de sa vie, décide et atterrit complètement dans sa conscience le fait que ce qu'il croit est vrai. Alors, étant donné que l'être humain vient de décider que ce qu'il croyait vrai est vrai, c'est la foi. Et toute foi est nécessairement aveugle. Celui qui a une foi, mais qui peut changer d'idée, n'a pas de foi. Il croit, mais il n'a pas la foi. Celui qui a la foi croit dans sa croyance. Et sa croyance croit dans des concepts. Et les concepts sont l'agglomération de données placées selon un ordre apparemment logique et acceptées par l'intellect et acceptées aussi par l'âme, par la psychologie. La foi, c'est ce qui permet à l'être humain de s'accrocher à quelque chose qu'il ne peut absolument pas connaître. Un lieu interdit dans un monde spirituel, c'est-à-dire une ignorance totale de certains faits, de certains états qui le constituent, et ne pouvant avoir aucune réponse, il va lui-même inventer les réponses, ou s'accrocher aux réponses déjà inventées par les ancêtres, par exemple, et il va décider que cela est vrai. Dans tout phénomène de foi, le mensonge ne peut pas pénétrer. Alors l'homme qui a la foi, la femme qui a la foi ou l'enfant qui a la foi, dit toujours qu'elle croit. Et je répète que croire, c'est exprimer le fait qu'on ne sait pas. Croire, ce n'est pas savoir. La foi, c'est uniquement l'élaboration très uniforme de l'orgueil de l'âme. La foi, c'est l'attachement inconditionnel que pourra amener l'âme dans ses propres croyances. Autrement dit, lorsqu'une âme décide qu'envers et contre tout, ce qui est conceptualisé chez elle devient la vérité. Alors, elle a la foi. Maintenant, une personne peut croire et avoir la foi, exemple, en Dieu. Et disons que Dieu existe. La personne qui a la foi en Dieu est aussi loin de Dieu que celui qui n'a pas la foi en Dieu. Pour la simple raison que la foi est l'adoration d'une croyance. Et la croyance prend forme et vient au monde à l'intérieur même de l'âme. Mais c'est comme adorer une image. C'est comme être un idolâtre astral. C'est comme ne pas adorer la réalité, mais c'est adorer la vérité. Et la vérité est une coloration de la réalité. Et le mensonge, une coloration de la vérité. Alors celui qui a la foi, celui qui n'a pas la foi en quelque chose et qui arrive à vivre, a simplement pas besoin d'avoir de la foi. Il vit. Celui qui sans la foi ne peut pas vivre a besoin de la foi. C'est-à-dire qu'il a besoin de se retrouver. Il a besoin de se retourner vers lui. Et étant donné que l'être humain vit d'une conscience collective, il va accepter d'incruster dans sa propre matière astrale, dans sa matière amique, dans sa matière psychologique, un archétype, une forme, une tradition, une religion, une idée, un concept qui prévaut dans la majorité des humains. Et il va maintenant, qu'il l'a incrusté chez lui, y croire et adorer. Alors maintenant, il a la foi. Alors la foi, ce n'est pas mauvais. Mais il est bien évident qu'un jour, l'humain n'aura plus de foi. Il est bien évident qu'un jour, l'humain ne croira plus à rien. Et pour la majorité de ceux qui sont croyants, ils ne peuvent pas comprendre ce que je dis quand je dis que l'homme, un jour, ne croira plus. Mais l'homme ne croira plus parce que l'homme saura. Alors, ça ne veut pas dire que l'homme croira que Dieu n'existe pas. Non, il ne croira plus. Alors, il ne croira plus en Dieu et il ne croira plus non plus à l'absence de Dieu. Il saura s'il y a ou s'il n'y a pas. Et c'est là qu'est la grande nuance. Quand je dis que l'homme ne croira plus, on pense que l'homme va croire à l'inverse. Je ne crois pas qu'il neige. Ah, tu crois qu'il neige pas? Non, je ne crois pas qu'il neige pas, je ne crois pas qu'il neige, je ne crois en rien. Je ne sais pas. Et le fait de dire « je ne sais pas » ne me fait pas mal. Celui qui dit « je ne sais pas » et que ça lui fait mal, alors il invente la croyance. On va dire « je ne sais pas, mais je crois en ceci ». Et celui qui seulement croit lui fait mal, alors il invente la foi. Il devient aveugle. Tant mieux s'il est dans le bon chemin. Mais s'il est dans le mauvais chemin... Qui sont les hommes en noir? On sait qu'ils apparaissent notamment aux individus qui font certaines découvertes concernant l'antigravitation. Les hommes en noir, c'est un phénomène qui date d'extrêmement longtemps sur la planète Terre. Ça date d'extrêmement longtemps, il faut s'entendre, là. Je parlais à votre niveau. Quand je parle, moi, d'extrêmement longtemps, c'est quelques milliards d'années, alors, finalement. Et ceux qui sont habitués à me suivre, ils vont penser que ça fait longtemps, longtemps. Disons que ça a commencé dans les années 1800, lorsque la conscience cartésienne de l'homme, surtout de la partie anglaise, britannique, européenne, un peu plus tard, lentement américaine, allemande, soviétique et d'autres petites nations, a commencé à vivre la folie furieuse de la technologie. À l'instant même où la technologie a commencé à devenir prépondérante à l'intérieur de la conscience de l'homme, à l'instant même où on a commencé à penser à créer des machines de voyage dans le temps, des capsules pour aller sur la Lune, des appareils pour aller au fin fond de l'océan, à l'instant où on a pensé que toute la science technologique avait la réponse à tout. Alors, il y a eu nécessairement le grand boom industriel qui fait que l'humain perdait totalement l'honneur même d'être un être humain. Il devenait plus beau que la machine et la machine fonctionnait. Alors, les hommes en noir ont commencé à apparaître. Ils sont apparus, premièrement, dans les quartiers les plus huppés de l'Angleterre. Et ils se sont étendus lentement à travers l'Europe, à travers les États-Unis et finalement à travers tous les pays industrialisés. Les hommes en noir qui apparaissent aux individus qui font des découvertes concernant l'antigravitation, pour faire attention, et donc ils sont apparus à tout ce qui est hautement technologique dans le neuf. Et les hommes en noir sont des phénomènes qui sont reliables aux mécanicités extraterrestres, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui viennent sur le plan planétaire contrôler l'évolution technologique de l'homme de façon à ce que celle-ci ne dépasse pas par accident, parce que de toute façon la grande partie de la science est accidentelle, ne dépasse pas par accident ce que la conscience de l'homme pourrait supporter. Alors, les hommes en noir ne sont que des empêcheurs de tourner en rond pour la majorité des scientifiques, alors que finalement, ils sont des préservateurs d'une certaine forme d'harmonie. Ouais. Est-ce que les anti-hommes résident aussi dans des lieux interdits? Est-ce que les anti-hommes résident aussi dans les lieux interdits? Excusez. Excuse. C'est pas à toi que je parlais. Ah, c'est pas moi que tu parlais, bon, c'est bien. Non, l'anti-homme réside exclusivement dans le monde de la mort ainsi que dans la conscience astrale de l'homme. L'anti-homme fait partie des sphères astrales, il ne fait pas partie des sphères d'intelligence. Le fait de survivre aux 30 prochaines années serait un privilège ou au contraire une dure initiation qui ne servirait qu'aux générations suivantes? Que penser de certaines élites disparues en 87-88, telles que les... Séguin, Lévesque, Leclerc, etc. Bon, le fait de survivre aux 30 prochaines années serait-il un privilège ou au contraire une dure initiation qui ne servirait qu'aux générations suivantes? Les générations suivantes, c'est vous. Le fait de survivre aux 30 prochaines années n'est ni un privilège ni une dure initiation. Survivre, c'est survivre. Mourir, c'est mourir. Ça ne change rien à rien. La seule chose qui est certaine, c'est que ceux qui vont survivre vont pouvoir créer des corps physiques qui vont permettre à ceux qui vont mourir de revenir. Et on est toujours confiné dans ce monde actuel à vivre une évolution d'immédiat terme qui, normalement, doit s'arrêter à notre mort. Alors que l'être humain poursuit son évolution planétaire bien après. Alors, préparer les générations futures, c'est préparer l'endroit et l'organisation même des sociétés dans lesquelles nous allons revenir. Et parlant de revenir, nous allons revenir là-dessus la semaine prochaine. Que penser de certains élites disparues en 87-88, telles que les Séguin, Lévesque, Leclerc, etc.? Il faut faire attention, évidemment, à la définition de ce que c'est qu'une élite. Il est bien évident que la vague de naissance qui a donné un paquet d'élites, de génies, va à un moment donné se terminer par une vague de décès, parce qu'ils ont un certain âge. Et il faut aussi comprendre qu'il y a des êtres humains qui doivent s'en aller, qui doivent disparaître, parce qu'ils sont trop utiles plus tard et ils doivent, après leur prochaine réincarnation, avoir un âge suffisamment avancé pour devenir serviables. Alors, ils meurent avant, pour naître avant. Est-ce que le fait d'être émotif et spirituel est négatif? Lorsque le fait d'être émotif et spirituel nuit, c'est négatif. Lorsque le fait d'être émotif et spirituel aide, c'est positif. La finalité prochaine de l'homme sera la création d'un corps physique qui ne pourra plus exprimer l'émotion. L'homme cessera d'être émotif, l'homme vivra de sentiments. Aujourd'hui, tous les humains peuvent connaître le sentiment. Il n'y a aucun problème. Sauf qu'ils ne connaissent pas le sentiment longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils le mémorisent et par la suite, ils désirent que le sentiment revienne. Et ils le créent dans leur propre psychologie. Et on appelle cela l'émotion. Ce qui engendre d'ailleurs l'amour qui fait qu'on s'attache, qu'on attache plutôt, et qu'on oblige les individus à venir nourrir notre mémoire du sentiment qu'on a eu pour eux dès la première fois qu'on les a rencontrés. Être spirituel. Spirituel, c'est un mot extrêmement galvaudé. Spirituel voudrait parler de l'esprit, alors qu'en réalité, la spiritualité parle plutôt de l'âme, de l'astral. Et spirituel, on parle de spiritisme, on parle des esprits, fantômes, alors que ça n'a vraiment rien à voir avec l'esprit. Celui qui est exclusivement spirituel, nécessairement, est un être absolument perdu. Or, on peut le trouver très joli, on peut le trouver très, très beau, il prie, il contemple, il médite, les mouches atterrissent sur son nez, ne les sent pas. Bon, c'est bien. Il est spirituel, total. Par contre, son antipode, c'est le matérialisme total. Celui qui tue même les mouches avant qu'elles naissent. Et entre les deux, il y a celui qui a la tête dans les nuages, deux pieds sur le sol. Et on ne peut pas le considérer comme étant un spiritualiste, on ne peut pas le considérer comme étant un matérialiste, on peut le considérer comme étant un réaliste. Une chose certaine, c'est que un jour, chacun d'entre vous devrait parvenir à discerner ce que vous savez de ce que vous ne savez pas. Lorsque l'être humain est capable de discerner ce qu'il sait de ce qu'il ne sait pas, il abandonne, il abdique totalement, il abandonne totalement la spiritualité. Et il abandonne aussi toutes les valeurs psychologiques qui sont d'une spiritualité plus matérialiste, qu'on appelle le matérialisme. Il n'a plus besoin de croire parce qu'il sait ce qu'il sait, et il sait ce qu'il ne sait pas. Alors, par exemple, est-ce que la réincarnation existe? Une personne peut y croire, mais à un moment donné, elle va dire « Je sais que ça n'existe, je sais que je ne sais pas que ça existe, ou je sais que ça existe, ou je sais que ça n'existe pas, ou etc. » Elle pourra maintenant dire que ce qu'elle croyait est une théorie, un concept qui semble intelligent, qui semble logique, qui semble expliquer des choses et qui lui plaît. Elle trouve ce concept esthétique. Mais elle ne mourra jamais pour défendre ce concept. Elle n'essaiera pas de convaincre tout le monde de ce concept. Elle peut en discuter pour l'altérer, l'améliorer ou le diminuer. Lorsqu'un jour l'être humain arrive à savoir ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas, il est totalement libéré des craintes de l'évolution. Et parce que l'être humain n'est pas capable encore de supporter la problématique de l'ignorance, il invente ses réponses. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. N'importe quel humain sur la planète a une vie spirituelle. Sauf que la majorité des spiritualistes parlent d'une vie rituelle. Et la ritualité est devenue ce que nous concevons comme étant la spiritualité. Le rituel de l'esprit. Sauf que la spiritualité, le rituel, la tradition, est simplement une béquille très utile qui permet à l'être humain de se supporter le temps que son intelligence vienne se connecter à lui, ce qui lui va lui permettre d'abandonner le ritualité et ne laissera chez lui que le spirit, l'esprit. Tu dis que les religions aident l'homme à évoluer et ensuite l'homme n'a pas ou plus besoin de ses religions ou commandements de Dieu parce qu'il a compris par lui-même. Alors un jour, tu as dit que tu tuerais par amour. Si le commandement de Dieu dit tu ne tueras point, tuer par amour ou non, est-ce mal ou bien? Pour chacun, est-ce différent? N'y a-t-il pas une vraie vérité? Disons que la vraie vérité, c'est la réalité. Tout à l'heure, j'ai bien expliqué qu'on parlait des commandements de Dieu. J'ai donné des exemples par rapport au commandement de Dieu, tu ne tueras point. Et ce commandement s'adresse à l'être humain qui tue. Mais qu'est-ce que c'est que tuer? Tuer, ce n'est pas ôter la vie à un corps physique. Ce n'est pas ça, tuer. Parce que lorsqu'on ôte la vie dans un corps physique, on ne fait que transformer la matière. Tuer, c'est démolir, plus que de transformer. Lorsqu'un être humain tue, par exemple, vous conduisez une automobile, vous frappez quelqu'un et vous le tuez. Alors, vous venez de déroger au commandement de Dieu. Vous êtes donc bon pour l'enfer, vous venez de tuer. Sauf que dans la réalité cosmique des faits, vous n'avez pas tué. Parce que tuer, ça n'existe pas. Lorsqu'un être humain, apparemment volontairement, prend une arme à feu, par exemple, dans une guerre, et tire, il tue. Il tue, mais il est sous l'effet d'une manipulation. Et le commandement de Dieu qui dit « tu ne tueras point » est un commandement manipulatif, aussi faux que celui qui dit « tu tueras », qui vient simplement atténuer la voracité du prédateur qu'est l'homme sur ses semblables. Le commandement « tu ne tueras point » n'est pas applicable textuellement dans le monde de la planète. Parce que vous n'avez qu'à ouvrir votre bouche devant un miroir et regarder vos dents. Et vous verrez qu'il y a au minimum 4 canines, soit sur le dentier, soit sur votre propre dentition. L'homme est un carnivore. Tu ne tueras point. Ça veut dire qu'on ne tue pas un insecte, qu'on ne tue pas un bœuf, qu'on ne tue pas une plante. Cela oblige qu'on doit mourir. Donc on se tue. Et on ne peut pas se tuer non plus. Alors, on tue les plantes, on tue les animaux. Les commandements de Dieu se donnent à la masse pour préserver l'intégrité des masses. J'ai déjà dit qu'il y avait 20 commandements de Dieu et que lorsque Moïse était descendu de la montagne, il avait échappé une table. Elle était cassée. Alors, il est resté avec une table avec 10 commandements. C'est une farce, évidemment. Mais on ne le saura jamais. Étant donné que l'homme ne vient pas au monde pour la loi, mais que la loi est bâtie pour préserver et aider l'homme, quand l'homme est maintenant suffisamment adulte, il peut détruire toutes les formes de loi qui existent derrière lui. Et il y a énormément d'êtres humains qui sont tellement assujettis à la loi qu'ils ne veulent pas comprendre ce que je dis. Et qui se disent, ben voyons, on n'est pas pour faire ça, on va faire n'importe quoi. Il y a une loi contre le vol, ça vole quand même. La loi n'empêche pas l'homme de faire n'importe quoi. Elle l'aide à se paramétrer. Alors, s'il n'y a plus de loi, ça reste comme c'est là. Je disais à une personne, justement, dernièrement, si les lois disparaissent, par exemple, toi, tu as maintenant, je te donne la possibilité de faire tout ce que tu veux. Est-ce que tu vas tuer quelqu'un? Non. Est-ce qu'il a besoin d'une loi? Non. Il est totalement libre de faire ce qu'il veut. L'humanité évolue. Il vient un moment donné où on n'a plus besoin d'aucune loi. Et tuer, ce n'est pas tirer une balle ou donner un coup de hache ou simplement frapper quelqu'un. À un moment donné, on pourra revenir sur le phénomène de la tuerie. Qu'est-ce que c'est que tuer? Mais tuer, on ne peut plus tuer d'hommes depuis près de 2500 ans. Un petit peu plus. L'homme n'est plus tuable depuis qu'il y a le monde de la mort. Avant, l'homme était tuable. On ne peut plus tuer personne. Mais c'est le mal corps physique maintenant qui s'abîme. Oui, il se fait abîmer. Il se désintègre. L'âme gagne le plan moroncial, gagne le monde de la mort. Elle est désintégrée aussi. Il se réincarne. Le corps physique se réincarne aussi. Les molécules de la matière se réunissent et redonnent une autre forme. La vie des hommes préhistoriques continue à se promener chez vous. Et elle est transmissible des parents aux enfants régulièrement. Mais ça ne se tue plus depuis longtemps, au niveau des âmes. Il y en a pas mal. D'accord. Dépêchez. Parlez plus vite. Ceux qui fuient la dure réalité dans le sommeil, la drogue, le sexe, la nourriture, etc., ont-ils inconsciemment tendance à émousser leur sens afin de percevoir de moins en moins la réalité? C'est exactement ce qu'ils font. Ayant laissé baisser la valeur des fœtus humains, doit-on s'attendre à un manque de respect croissant à son égard? Voyez-vous, il fut un temps où la cigarette, c'était bon. On était tough quand on fumait. Assez que les femmes, voulant se libérer, sont devenues cancéreuses, eux autres aussi, et ils ont commencé à fumer au coton. Jusqu'à un moment donné où cette cigarette, c'était pas bon, c'était yark, c'était ci, c'était ça, et que finalement, on était tough quand on fumait pas. Les fœtus, on les aime pas, on va les avorter un bout de terre jusqu'au jour où on va trouver qu'il y a une valeur extraordinaire, on va regretter ce qu'on va avoir fait, on va commencer à sauver ceux qui vont venir. Fait que c'est des périodes. C'est une mode. C'est ça. Est-ce qu'on fait référence à la vapeur de tantôt? Est-ce que cette vapeur serait ce que l'on appelle le savoir instantané ou la mémoire akashique? Ce n'est pas la mémoire akashique. La mémoire akashique, c'est les résidus de la vapeur non absorbés encore par l'humanité et qui paramètrent l'enveloppe du monde de la mort, dans lequel donc est incrustée toute la mémoire du temps arrière. Le savoir instantané fait partie de cette vapeur, ça va de soi, sauf que le savoir instantané fait aussi partie, fait référence à une vapeur, à une énergie qui provient aussi de l'extérieur de notre planète, une énergie qui est galactique et qu'on appelle énergie supramentale. Que pensez-vous des auteurs Anne et Daniel Meroy de Givaudan, qui ont les mêmes propos que vous, enfin, plus ou moins? Effectivement, plus ou moins. Oui, ou moins que plus. Ce que je pense d'eux, je pense que... Ils ont de beaux yeux. Ce n'est pas à moi de dire ce que je pense à quelqu'un. Vous allez les rencontrer. Et si ça vous explique des choses, vous voulez vous écouter. Si ça ne vous explique rien, vous n'écoutez pas. C'est exactement la même chose pour moi. Alors, on ne me demande pas qu'est-ce que je pense d'une personne ou ceci ou cela. Ce sont des êtres humains qui font un travail hyper remarquable. Mes émotions m'ennuient à parler en public. Est-ce que le cours d'ajustement de la parole pourrait m'aider? Si oui, pourquoi et comment? Sinon, qui pourrait ou quoi pourrait m'aider? Le cours d'ajustement de la parole n'est pas bâti pour permettre à un ego d'avoir un peu moins de problèmes d'expression. L'ajustement de la parole, c'est un phénomène, un cours qui permet à l'individu d'arrêter d'avoir une parole fausse, ce qui fait qu'à la longue, il cesse de se démotiver par la parole, ce qui fait qu'à la longue, il finit par avoir une parole suffisamment juste qu'il parvient à s'instruire lui-même lorsqu'il se répond à des questions, parce qu'il pose ses questions convenablement, et il arrive aussi à émettre une parole qui fait en sorte qu'on ne peut pas interpréter ce qu'il dit, donc lentement, il devient un être humain qui passe beaucoup plus partout où il va. Mais pas dans le sens, mes émotions me nuisent à parler en public. Le phénomène émotif, c'est un phénomène qui paramètre l'humain dans son anti-évolution. Et la personne qui a énormément d'émotions qui lui nuisent, elle devra apprendre à travailler avec ses émotions, elle devra découvrir certaines choses, elle devra apprendre à faire de l'observation de l'émotion. Alors, si la personne n'a pas fait mon séminaire, c'est évident que le séminaire est drôlement plus utile que par rapport à sa question que le phénomène même de l'ajustement de la parole. Maintenant, nécessairement, le séminaire n'est pas non plus bâti pour permettre à une personne d'avoir des émotions qui ne lui nuisent pas. Par contre, ça permet à la personne de poser tout le genre de questions qu'elle voudrait et elle a ses réponses. Quand on a des émotions qui nous nuisent en public, la meilleure chose, c'est de suivre un cours de relations humaines. C'est normalement un système qui peut fonctionner. Est-ce que les humains demeurant dans la région Chicoutimi, Saguenay, Lac-Saint-Jean seraient plus aptes à recueillir les effets des effluves des lieux d'interdit? Ça pourrait expliquer alors le dynamisme des gens de cette région. Bien, effectivement, les gens de cette région ont la faculté de capter ces énergies, même si certains font encore pas mal simple, lentement, ils se développent. Et puis, ça crée un dynamisme. Maintenant, ils n'ont pas encore d'avance sur personne, mais ce sont des régions qui, dans l'avenir, vont devenir extrêmement intéressantes. Si nous ne prenons de ce qui se dégage de ces lieux interdits que ce qui nous est destiné. C'est donc dire que notre chemin est tracé d'avance, peu importe notre façon de vivre, bien ou mal. Exact. nous ne pouvons rien changer à notre destinée. Exact. Pouvons-nous vraiment choisir si nous sommes continuellement manipulés? Si oui, comment? Non. Comment? C'est dur de répondre comment, vu que c'est non. Je vais vous expliquer une petite chose. Il y a beaucoup de questions, je comprends, mais... L'être humain n'a aucun libre-arbitre. Vous n'avez pas choisi de venir ici ce soir. Ceux qui n'y sont pas n'ont pas choisi de ne pas venir. Vous ne choisissez même pas quand vous vous grattez. Vous ne choisissez même pas quand vous pétez. C'est moi qui veux! Non, t'as décidé que tu faisais rien! Donc, c'est pas toi qui veux! Décidé! Bon, ben tiens, j'évolue plus! J'en ai marre! Plus j'évolue, plus je souffre, j'évolue plus! Va te coucher, ça va qu'à un moment donné, pouf! Pourquoi Dieu? Ben, j'évolue plus! Oh, mais si vous m'arrivez, j'évolue plus! En fait, ce n'est pas l'homme qui décide. Par contre, l'homme, pour qu'il ne souffre pas trop dans son âme, qui est un virus évolutif, que l'homme ne souffre pas trop, il y a la pensée qui n'appartient pas à l'homme. Et dans la pensée, il y a le « je », le « moi ». Et dans la pensée, il y a un facteur déterminant, chronométré, qui permet de dire ce qui se fait. Ce qui donne illusion à la conscience embryonnaire de l'homme qu'il vient de dire ce qu'il veut faire. Alors, à un moment donné, on vous stimule dans votre pensée et on vous fait voir du Rambo. Et là, on vous fait voir le cinéma. Et là, on vous amène l'idée du journal pour voir à quelle heure ça commence. Puis là, vous dites, tiens, j'ai le goût d'aller voir un film. Franchement, que vous le dites ou pas, le goût est déjà là. Après ça, vous dites, je prends la décision d'ouvrir le journal. C'est faux. Dans la pensée, il y a ce facteur déterminant qui vous fait dire ce qui se passe avec le mot « je ». Au lieu de dire, tiens, mes mains ouvrent le journal, on dit, tiens, j'ouvre le journal. Alors, on pense que nous avons déterminé l'action. On n'a rien déterminé. Alors, on peut, par exemple, allumer une cigarette sans s'en rendre compte. Hein? Il y a plusieurs qui connaissent ça. On peut l'allumer en disant, tu vois, je vais m'allumer une cigarette. Mais que vous le sachiez ou pas, vous allez allumer une cigarette quand même. Alors, il y a un moment donné où qu'on en a deux, trois d'allumer. Mais on est allumé. Sauf que là, on n'a pas dit ce qu'on faisait. On appelle ça un conseil. Tu peux-tu frapper ta belle-mère sans t'en rendre compte, comme ça? Frapper ta belle-mère sans t'en rendre compte? Ouais. Oui, elle peut aussi te frapper, elle, en s'en rendant compte. Alors, étant donné que l'être humain agit, comme là, il boit de l'eau, pourquoi? Parce qu'il boit de l'eau. Et sa pensée peut venir illusoirement dire, je bois de l'eau, ou je vais boire de l'eau. En réalité, c'est qu'il est déjà en train de se diriger pour boire de l'eau, et la pensée fait dire, tiens, je vais boire de l'eau. Alors là, il a l'impression que c'est lui qui contrôle. Et là, il dit, tiens, c'est bon, j'en boirai encore. Il n'y a pas le choix, il continuera à en boire de toute façon. Alors, ça permet à la pensée, à l'ego de l'homme, à l'âme de l'homme, de moins souffrir le fait que, tiens, je vais aller voir un film. Bon, alors, au lieu de dire ce qu'il veut faire, alors qu'il ne peut pas le faire, eh bien, la pensée de l'homme lui fait dire ce qu'il fait. Et il pense que c'est lui qui contrôle. De temps en temps, par contre, cette pensée folle lui fait dire aussi des choses qu'il ne fait pas. Et là, il appelle ça échec, déception. Il ne fait pas ce qu'il veut dans la vie. Il n'a pas ce qu'il veut. Ça n'a pas marché comme il voulait. Parce qu'il a dit des choses qui ne le regardaient pas. Il n'y a pas de libre-arbitre. Que peut apporter de bien l'ouragan Gilbert? Personne n'a choisi de vivre ce séisme. Comment peut-il y avoir... Personne ne choisit rien, de toute façon. Pour les personnes. Comment ça peut faire évoluer les personnes concernées? Ben, ça les fait évoluer. Il y en a qui restaient... dans certaines places, ils devaient déménager. Ils se sont fait déménager. C'est comme si on pose la question, comment la bombe d'Hiroshima peut faire évoluer le Japon? Si on regarde les îles jamaïcaines, tu sais qu'on a eu du thon varié ici. On ne l'a pas jeté, on l'a envoyé à Jamaïque. C'est vrai. Et les médicaments qui étaient, auxquels il y avait possiblement du cyanure dedans. Mm-hmm. Le Tylenol, entre autres, le Tylenol liquide. Mm-hmm. Avant qu'ils mettent des seaux. Mais toutes les bouteilles, pas de seaux. Mm-hmm. Et sans doute, ils étaient envoyés en Jamaïque. Pour d'autres seaux. Puis, c'est ça, pour d'autres seaux. Dans ces pays-là. Et cet ouragan, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait simplement le purifier. Alors, il arrive dans ces régions-là, et puis il balaye. Passe le balai. Tout tombe. Il y a des humains qui vivent des choses extrêmement intéressantes, c'est-à-dire que là, ça collectivise le Jamaïcain. Entre autres, si on parle de Jamaïque, évidemment, à Cozumel, comme c'est la même chose, au Texas, c'est un petit peu moins pire, les Américains ont l'habitude. Mais ça va cristalliser, ça va aider énormément les Jamaïcains à se reprendre en main. Ils vont reconstruire. Ça va aussi permettre l'aide internationale. Alors, ils vont avoir accès à un trésor qu'ils n'avaient pas accès avant. Crime. T'es tout nu, t'es pauvre, puis tu vas avoir de l'argent. On t'en donne pas. Et l'ouragan balaye toutes tes cochonneries. Ah, ben là, tu vas avoir de l'argent. Des beaux matériaux neufs, des belles bebelles. Puis les médicaments ont tout été renversés. Fait que là, on t'a mis des médicaments avec des seaux. C'est extrêmement intéressant. Et en même temps, du point de vue de climatologique, ça permet de préparer les conditions hivernales qui prévaut à l'échelle de la planète. Vous savez qu'il y a une espèce de... Bon, il n'y a pas une transformation de l'axe planétaire, mais étant donné que l'axe planétaire tourne autour du Soleil d'une façon différente, si ça crée des conditions mécaniques qui permettent de préparer des certaines choses et qui avertissent en même temps les animaux que l'hiver s'en vient et qui avertissent énergétiquement plusieurs phénomènes de se préparer aux mois qui vont venir. Alors, c'est pas juste pour l'humain. Mais en même temps, de toute façon, ça sert à l'humain. Lorsque tu as atteint le supramental, combien de temps faut-il pour avoir accès à ces secrets? Est-ce que tout supramental ont accès à ces savoirs? Bon, la conscience supramentale, premièrement, elle est donnée à n'importe qui, sauf que l'individu doit avoir un cerveau qui est en mutation, un cerveau qui devient de plus en plus rapide, un cerveau qui fonctionne d'une façon plus électrique que chimio-électrique ou que bio-chimio-électrique. Et ça, n'importe qui, de toute façon, y arrive. L'énergie supramentale, lorsqu'une personne a un contact avec le plan supramental, il a une seule chose de plus que l'humain ordinaire, c'est qu'il a la faculté de savoir tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Et ça s'arrête là. Donc, est-ce qu'il a accès à tous ses secrets? S'il y a utilité qu'il le sache. Sinon, celui qui a un contact supramental ne s'intéresse même pas à ses secrets. Moi, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans la maison du voisin. J'ai rien à foutre de ce qui se passe dans la maison du voisin. Si j'aurais besoin de savoir, je saurais, mais je ne sais pas, je n'ai pas besoin de savoir. Et si je dis, tiens, je vais quand même le savoir, ben je ne sais pas plus. Pourquoi? Parce que c'est inutile. Mais si l'autre a un fusil qui te pointe à travers le mur pour descendre à la photo de sa belle-mère et que moi, je suis le bord en arrière du mur, là, on va savoir ce qui se passe chez le voisin. Parce que là, ça devient utile que je le sache. Les murs sont en carton, hein? Est-ce que le Nouveau-Québec peut avoir un rapport avec l'homme nouveau? Merci. Ben, c'est partie du bouclier canadien. Disons que c'est intéressant qu'il s'appelle Nouveau-Québec, mais effectivement, oui, mais il y a aussi une partie de l'Ontario, une partie de l'Alberta, Manitoba, du territoire du Nord-Ouest, etc., entre autres, qui font référence avec l'homme nouveau. Au niveau du Québec, tout ce qui est au nord, au-delà des plaines, c'est partie du bouclier canadien, donc de ce qui va de toute façon permettre la vie de l'homme nouveau dans quelques années. Quelle est la véracité des enseignements de Abba ou Sem? C'est mal prononcé. Abrouchine. Alors, ce personnage qui parle énormément du Graal et qui a écrit trois livres dans la lumière de la vérité, tome 1, 2 et 3, bon, et quelques autres aussi. Quelle est la véracité de ces enseignements? Vous les lisez. Ça répond à des questions, ça répond à des questions. Ça ne répond pas à des questions, ça ne répond pas à des questions. L'homme doit devenir son seul maître. Et ce n'est pas moi qui va commencer à dire aux gens qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Moi, je vais parler de certaines choses, je vais répondre à certaines questions, mais lorsque la conscience de l'humain, lorsque l'intelligence qui était en croissance chez l'homme ou chez la femme peut faire lui-même le choix, peut discerner, alors moi, je n'irai pas m'en mêler pour l'obliger à s'assujettir à moi. Abrouchine, c'est intéressant. On lit, ça ne nous rapporte rien, on ne lit plus. Ça nous rapporte, on continue à lire. Et c'est tout, c'est comme le reste, c'est la même chose que pour moi. Alors, vous n'avez qu'à faire vous-même vos propres décisions. De toute façon, vous allez lire si vous avez à lire. Daniel, à quoi te servent réellement tes connaissances puisque tu dois remplir les mêmes besoins physiques et psychologiques que les autres humains que tu vieillis et mourras sans doute? Le terme « sans doute » en français veut dire « avec doute ». C'est S-I-E-N-T. S-I-N-S. À quoi te servent réellement tes connaissances? Premièrement, ce ne sont pas des connaissances. Ça, c'est un savoir. C'est extrêmement différent. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas lu, je n'ai pas appris. Puisque tu dois remplir les mêmes besoins physiques et psychologiques, c'est tout à fait faux. Mon corps physique doit le faire. Mon phénomène psychologique ne doit pas remplir les mêmes besoins psychologiques que la majorité des humains. Mon corps physique doit remplir la majorité des besoins physiques de la majorité des humains, quoique certains des besoins sont remplis d'une façon un peu plus efficace. C'est-à-dire, je mange, par exemple, un repas par jour, mais j'assimile suffisamment bien que je n'ai pas besoin de manger énormément de constituants. Et que tu vieillis et que tu mourras, point, point, point, sans doute. Voyez-vous, ce n'est pas parce que jusqu'à date, la majorité des humains sont morts physiquement, que toujours l'humanité mourra physiquement. Et ce n'est pas non plus parce qu'on meurt physiquement qu'on meurt consciemment. On va en reparler surtout la semaine prochaine, mais il y a des attrapes dans le monde de la mort, il y a des clés dans le plan moronciel, le plan de transition, il y a des mécanicités préparées sur le plan planétaire. Et à quoi me sert mon savoir? Il ne sert absolument à rien s'il ne sert à rien. Une chose certaine, c'est que présentement, moi, je parle parce que je parle. D'autres écoutent parce qu'ils écoutent. Et c'est bien. Lorsque l'être humain se conscientise, ce savoir lui permet d'avoir accès à une source d'information qui vient engendrer une certitude qui n'est pas une foi, parce que c'est une certitude qui peut changer quotidiennement. Donc, une certitude qui, de toute façon, n'a pas de valeur psychologique ou émotive pour celui qui a la certitude. Une certitude que, de toute façon, l'être humain est autre chose que de la boue. Et une certitude que, de toute façon, l'être humain peut devenir tout à fait immortel dans son corps physique lorsqu'il a éliminé l'ennui, ça va de soi. Et une certitude que l'être humain, de toute façon, est appelé à conserver sa conscience même s'il change de corps physique. Et que, de toute manière, l'immortalité physique est un phénomène possible. Alors, je vais mourir physiquement sans doute, ce n'est pas dit. Ça dépendra de bien des choses. Et de toute façon, au niveau de la conscience, je ne peux pas mourir. Et n'importe quel humain, de ce contexte nord-planétaire, peut y parvenir. Alors, présentement, c'est comme de dire, à quoi ça sert au pape d'être pape si de temps en temps, il y a aussi la grippe. Mais l'évolution n'est pas exclusive dans la défense contre les virus. Alors, pendant un laps de temps, le corps physique se solidifie. Mais il se solidifie contre la plus grande puissance, pas contre le virus. Contre l'intelligence qui vient démolir des vieilles formes archétypales, des vieilles formes psychologiques, des vieilles formes traditionnelles chez lui. Il arrive à résister à des événements qui sont majeurs, des ouragans. Ça brise le cristal, mais ça forge l'acier. Et même s'il a un peu la morve au nez, c'est peut-être un grand maître. Qui met plus d'importance dans ce qui est utile que dans l'apparence. Il est bien évident qu'un jour, lorsqu'il aura finalisé certaines phases d'évolution, la morbonnée ne l'aura plus. Mais certaines personnes qui évoluent préfèrent travailler sur ce qui est utile avant que sur l'apparence. Autrement dit, ils travaillent sur le fond et les symptômes secondaires de l'évolution seront réglés plus tard. Est-ce que le phénomène destructeur Gilbert est actionné par ces lieux interdits? Non. La force de cette tornade engendrera-t-elle des destructions en Californie, sur la côte est des États-Unis? Ça va engendrer des destructions, mais rien d'extraordinairement majeur. Par contre, ça fouette énormément les sangs des Texans. D'ailleurs, c'est pas une tornade, c'est un ouragan. Et quand on parle justement de vanter à écorner les bœufs, là, c'est ça. Là, il si t'es pas un bœuf, puis t'es pas là, t'es correct. À quel âge sommes-nous prêts génétiquement à exprimer le savoir instantané? À l'instant où on a la faculté de parole. Jeune, parole, des balbutiements ou de la parole? Ou de... La parole. À l'instant où on est capable de formenter des concepts, à l'instant où on est capable, disons que pour l'enfant, à l'instant où il est capable de frustrer ses parents. Ah, mon Dieu, c'est trop vieux, ça. Deux semaines. Mais... Trop dormir. Tiens, son précoce. C'est quand il te garoche la bouteille. Trop dormir, est-ce mauvais? Si oui ou non, explique. Trop dormir, c'est extrêmement mauvais. On dort normalement la quantité de sommeil qu'on a besoin. Ça, c'est pas mauvais. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce que c'est trop pour nous autres. Quand on a assez dormi, Oui. Voilà. Il n'y a pas de recette miracle. Chaque individu n'a pas nécessairement besoin des mêmes ordres. Je veux me prendre en main. Par où dois-je commencer? L'autre main. Et quelles sont les étapes à suivre dans l'ordre pour exprimer le savoir instantané? Je veux me prendre en main. Par où dois-je commencer? Vous devez commencer par attendre que ça commence. Et quelles sont les étapes à suivre dans l'ordre pour exprimer le savoir instantané? Premièrement, être prêt. Vérifier si on est prêt. Cela veut dire, sommes-nous capables d'accepter du neuf qui risque de totalement détruire le vieux qui nous habite? Deuxièmement, sommes-nous capables d'accepter de devenir un transitif, de découvrir qu'effectivement, l'humanité est souvent plus animale qu'humaine, de découvrir que les gens sont totalement manipulés et de les voir aller, puis de le voir de plus en plus consciemment et d'en souffrir. Sommes-nous prêts par la suite à devoir commencer à parler et à passer pour un imbécile, un fou, à perdre ses amis? Sommes-nous prêts par la suite à apprendre à se taire devant des gens et à travailler l'ajustement pour ne parler que devant ceux qui ont des oreilles et ne pas parler devant ceux qui n'en ont pas? Sommes-nous prêts par la suite à découvrir de plus en plus l'idée et à vivre de plus en plus le fait qu'on est totalement manipulé du point de vue de l'âme? Il y a une liberté dans la conscience de l'homme. Il y a un libre-arbitre qui est possible à l'être, mais pas à l'âme. Et jusqu'à date, si on est capable de le faire, faites-vous-en pas, vous êtes en cheminement vers la conscience supramentale, et faites-vous-en pas, l'intelligence supramentale va vérifier elle-même si c'est vrai. Je suis prêt à donner ma vie pour qu'elle change, pour une vie mentale. Que dois-je faire pour y arriver? Je suis prêt à tout pour exprimer le savoir instantané et enfin savoir quoi faire. La personne me dit qu'elle est prête à tout. Cela veut dire que si la réponse serait « patiente encore 7 ans », sera-t-elle prête à tout? Si oui, alors qu'elle patiente encore. Ça s'en vient. Mais il y a bien des gens qui sont prêts à tout, ce qu'ils veulent être prêts. Et qui ne sont pas prêts au reste. Comment faire pour améliorer notre génétique? Une autre question ensuite, mais ce n'est pas dans le même sujet. Tout faire consciemment. Il y a une mutation de quelques pourcentages par vie génétique qui devrait être transmissible aux enfants, mais étant donné que les parents ont des enfants avant d'avoir une grande qualité de cellularisation, donc des mutations génétiques, ils ne transmettent pas parce qu'ils sont rendus trop âgés, ils n'ont plus d'enfants. Maintenant, cela se fait inconsciemment. Chaque fois que l'être humain pratique une chose consciemment, il joue au tennis consciemment, il renforce ses muscles consciemment. Je ne veux pas dire, ah ouais, je le sais, je fais de l'haltérophilie. Non, c'est pas ça. Il doit sentir le corps travailler. Il doit être présent totalement au travail musculaire. Lentement, elle va engendrer des corps physiques qui, de toute façon, vont devenir musculés, même s'ils ne font pas d'exercice physique. Exactement comme la génétique du percheron, un cheval de travail, l'oblige à être puissant comparativement à la génétique d'un pinto qui ne peut pas le rendre aussi puissant. C'est deux chevaux. Mais il y en a un qui a... Les deux broutent de l'herbe. Ils font rien d'autre, rien de plus. Mais il y en a un qui peut tirer 20 pintos en arrière. Alors, c'est le même phénomène. On doit tout faire consciemment. Que ce soit un travail mental, du point de vue de cellularisation neuronique, ça doit être fait consciemment. Que ce soit une marche à pied, que ce soit du tai chi, que ce soit tout ce que l'on fait, si on le fait consciemment, on cellularise immédiatement. Je vis comme dans un rêve. Il n'y a plus rien de sérieux. Qu'arrive-t-il? Eh bien, c'est simplement que vous vivez dans la réalité. Tout est une farce. Sauf que la personne qui n'arrive pas à vivre sérieusement dans la réalité est un peu déphasée. Elle vit présentement la brisure de forme. Donc, étant donné qu'il y a des formes qui avant soutenaient le sérieux des choses et que ces formes sont altérées, sinon détruites, ben le sérieux des choses, il n'y en a plus. La personne, elle doit simplement attendre, encore une fois, prendre du temps. Et lentement, elle verra clairement que c'est une farce et qu'on peut vivre sérieusement dans la farce, ce qui peut arriver à changer bien des choses. Il n'y a rien de sérieux tel que les yeux de l'homme ancien l'ont vu. Et il y aura d'autres choses qui vont apparaître par la suite et qui vont rendre la réalité beaucoup plus sérieuse que ce qu'on l'avait vu avant. C'est une période de transition. Ça ne change pas de monde, sauf que... Quelle différence... Celle-là, la question et la réponse. Quelle différence entre le voyage incontrôlé de la pensée avant le sommeil et le rêve durant le sommeil? Dans le premier, le corps est sous l'emprise du tétage de l'ego, et dans le second, il en est libre. Alors, quelle différence y a-t-il entre le voyage incontrôlé de la pensée ou dans la pensée avant le sommeil et le rêve durant le sommeil? Il n'y a pas énormément de différence. Les deux sont des voyages astraux, sauf que dans le sommeil, l'âme essaie de gagner un endroit du monde astral où elle pourra se réénergiser, tandis que dans le sommeil éveillé, ou enfin bref, dans la partie de voyage avant le sommeil, l'âme ne peut pas gagner cette région. Donc, le sommeil repose plus que l'autre. Qui était Lazare avant d'être Lazare? Hiram Abiff. Y a-t-il des hommes qui sont entrés consciemment dans ces lieux et pour en retirer quoi? Et toi? Non. Non, deux. Non, deux. Le trésor des Templiers situé dans le mont Chak serait-il un bloc de glace? Sinon, c'est Lazare qui se trouve sur un lieu interdit. Pourquoi? C'est exact. Le trésor des Templiers situé dans le mont Chic-Choc serait-il un bloc de glace? Sinon, c'est Lazare qui fait qu'il se trouve sur un lieu interdit. Pourquoi? Très, très, très brièvement, Lazare a été un bonhomme qui a été initié par le Nazaréen. C'est le seul personnage de l'époque du Nazaréen qui a eu une confiance telle qu'il a accepté de pénétrer l'enfer, donc le monde de la mort, en risquant même d'y laisser sa conscience. Il a été ramené par le Nazaréen beaucoup plus tard, alors même qu'on l'avait du moins pas enterré, mais qu'on l'avait placé dans un tombeau. Et Lazare, par la suite, a été celui qui a servi de suite au travail christique du Nazaréen, alors que Pierre, qui avait douté du Nazaréen, a été celui qui a échafaudé les murs de l'illusion qui ont permis à la conscience involutive de s'y attaquer, en l'occurrence l'Église catholique. Pendant ce temps, cela laissait libre cours à Lazare de pouvoir contrôler le bien et le mal à l'échelle de la planète. Lazare est réapparu par la suite sous l'apparence de différents comtes, et le plus connu a été le comte de Saint-Germain, qui a connu Louis XIV et Louis XV. Et par la suite, il est apparu en Angleterre pour finir l'évolution de la création des premières locomotives. Il est apparu aux États-Unis dans le personnage de Thomas Paine pour rédiger les textes de l'indépendance des États-Unis. Et il est apparu donc dans l'histoire au cours des temps. Les Templiers ont caché un immense trésor qui n'a jamais été trouvé. Les Templiers ont eux-mêmes dit qu'ils l'avaient placé là où l'homme jamais n'irait penser le trouver. Et les Templiers l'ont effectivement caché au Québec, ce qui fait que jamais personne n'a pensé le chercher là. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais eu l'idée que les Templiers avaient réussi à traverser l'océan Atlantique. Le trésor des Templiers n'est pas un bloc de glace. Par contre, il est placé dans les montagnes Chic-Choc, dans un coin qui s'adresse à Sainte-Anne, l'une des mères protectrices de l'ordre du Temple. Et il se trouve que c'est un endroit où un bloc de glace a commencé à fondre, qui ne fondait pas à l'époque. Si les lieux interdits sont inaccessibles en soi, pourquoi installer des bébites ou des yétis près de l'entrée? C'est une protection voulue par qui? C'est une protection qui est mécanique. Et ils sont interdits, c'est-à-dire que l'être humain qui s'y approche meurt. Et ces bébites sont là pour protéger l'humain et non pas le lieu interdit. Ils empêchent l'homme de l'approcher. Ce n'est pas la même chose. Ils sont placés simplement là mécaniquement, c'est-à-dire que c'est exactement comme si vous rentrez dans une jungle, on appelle ça une forêt vierge parce qu'elle n'a pas encore été violée. Lorsque la forêt a été violée, lorsque la jungle elle-même a été violée, cela veut dire qu'on a réussi à, par exemple, à contrôler les jaguars, à contrôler les serpents, à contrôler les tarentules, à contrôler les singes, à contrôler les indigènes qui vivent là-bas. Pourquoi ils sont là, eux? Ils protègent l'homme. L'homme dans la jungle se perd, l'homme dans la jungle meurt. Donc, l'homme, pour arriver à pénétrer la jungle, doit être un homme suffisamment solide, suffisamment puissant. Cela fait en sorte qu'on ne pénètre pas la jungle tant qu'on n'est pas capable de la pénétrer. Lorsqu'on est capable de la pénétrer, les protections ne protègent plus l'homme de l'homme ou l'homme de la jungle. Et l'homme arrive maintenant à transcender ses protections Alors, lorsqu'on regarde les protections, les gardiens même de ces lieux sacrés, ce sont simplement des êtres, des animaux ou des êtres qui ont la faculté de ne pas pouvoir goûter les effluves même de ces lieux interdits. Donc, ils ne sont pas manipulés par ces lieux interdits. Donc, ils peuvent rester proches des lieux interdits. Et ceux qui sont manipulés, ceux qui sont se font éloigner, et lentement, on a jusqu'à l'humain. Ceux qui restent là ont leur propre secteur, leur territoire, c'est leur chez eux. Et lorsque quelqu'un rentre là-dedans, ben la bébite vient les attaquer. Et il y a donc une espèce de, disons, de cheminement de plus en plus dilué vers l'extérieur de ces lieux interdits, qui fait que lorsque l'humain rentre, il rentre dans quelque chose de lent. Et de plus en plus, c'est pire, simplement parce que c'est mécanique. Il n'y a même pas besoin de qui a mis cela, c'est un phénomène mécanique. Le principal lieu interdit à l'homme, n'est-ce pas son esprit? Non. L'esprit n'est pas un lieu interdit à l'homme. L'esprit est un lieu interdit à l'âme. Et parce que l'homme s'identifie dans l'âme et que l'âme n'a pas accès à l'esprit, alors l'homme peut penser que c'est un lieu interdit. Mais l'esprit, ce n'est pas un lieu interdit à l'homme, c'est un lieu interdit à l'âme. Et qu'est-ce que c'est que l'homme? L'homme cosmique, c'est la fusion entre tous les paliers différents de son expression créationnelle. Et l'âme, c'est simplement une très petite partie qui, d'ailleurs, est extrêmement intime à la planète Terre, créée sur le plan planétaire et qui habite le corps physique de l'homme et qui se prend pour l'esprit temporairement. L'énergie supramentale serait-elle issue d'un bloc de glace galactique? Oui, on peut faire le même parallélisme, oui. Je reviens encore avec ce phénomène du virus de l'âme. L'âme est effectivement un virus qui possède un corps physique qui ne lui appartient pas. C'est l'esprit qui devra l'habiter. Où prenez-vous toutes vos informations, connaissances et expériences? Quelle est votre scolarité? J'ai une troisième année. Troisième année de B? Troisième année B, mais j'avais un bon professeur. Hitler voulait l'avènement de l'homme nouveau. Pourquoi alors a-t-il dit qu'il en avait eu la vision et qu'il trouvait ça terrible? Pourquoi a-t-il eu peur de l'homme nouveau? Parce que l'homme nouveau n'a plus d'âme. Donc, l'homme nouveau ne peut pas faire ce qu'Adolf Hitler voulait faire. Il ne peut pas décider de tuer des gens pour les aider. L'homme nouveau n'a plus d'émotion. L'homme nouveau n'est plus capable d'aimer une fleur. Il la vibre, il la résonne. Il boit son énergie, il échange. Il réagit exactement comme un enfant réagit lorsque, pour la première fois, il voit lui aussi une fleur. L'enfant n'a pas d'émotion dans le début. Il a des sentiments. Parce qu'il a vu que l'homme nouveau aimait d'un amour intelligent, total, global. Que l'homme nouveau n'avait pas d'amour sélectif, comme l'homme ancien, comme Adolf Hitler. Parce qu'il a vu que l'homme nouveau jetterait à terre toutes les traditions, donc que même le nazisme tomberait. Parce qu'il a vu aussi qu'un grand monarque, à un moment donné, régnerait par l'intermédiaire d'humains intelligents et que toutes ses idées ne seraient plus présentes. Parce qu'il a vu aussi que l'homme nouveau était beaucoup supérieur à tout ce que le nazisme pouvait engendrer. Et surtout parce qu'il a vu l'échec du Troisième Reich. Après vous avoir écouté, je pose des questions à Raphaël Payeur et une fois sur deux, vous ne donnez pas les mêmes enseignements. Cela me perturbe. C'est tout à fait normal parce que Raphaël s'adresse à une autre partie de la constitution de l'homme que moi. Raphaël est un personnage qui descend de l'énergie supramentale et qui l'ajuste à des gens qui sont à un niveau pour le capter selon ce que Raphaël donne. Moi, je le fais à un niveau différent. Ce n'est pas nécessairement plus haut ou plus bas, c'est différent. Alors, nécessairement, si on pose deux fois la même question, étant donné que Raphaël Payeur ne répond pas à l'individu, mais répond au public, il l'ajustera au public qui sera devant lui. Alors, il ne pourra pas donner la même réponse que moi. Et sa réponse est tout aussi juste parce qu'elle s'adresse justement à ceux qui le répondent. Si la glace est une image, qu'est-ce alors la vérité? Qu'est-ce qu'ils font? Merci. C'est une mécanicité qui provient d'une région sans coordonnées géospatiales, donc qui n'existe pas ni en temps ni en espace, et qui provient des secteurs extérieurs à notre galaxie, et qui, par le biais de mondes parallèles, ont un contact avec ces régions-là spatiales. C'est de cette énergie qui rentre ici. Quatre questions. Où prenez-vous vos sources? Là où ça se trouve. Deuxièmement, pourquoi si certains lieux interdits sont asséchés, sont-ils toujours protégés? Ils ne sont plus protégés. Le Tibet, etc. Le Tibet n'est pas encore tout à fait asséché. Les bibliothèques du Vatican et du Tibet ont-ils été déménagées par des êtres physiques? Ils ont été déménagés par des êtres physiques jusqu'à un certain point et le reste était déménagé par des êtres qui n'étaient pas physiques, par les gardiens même de ces bibliothèques. Pourquoi la bibliothèque du Vatican a-t-elle été déménagée deux fois depuis le Vatican II? Pour la simple raison que le naziste avait eu la possibilité d'engendrer des mécanicités astrales qui avaient peut-être la possibilité de percer à jour l'emplacement même de cette bibliothèque. Alors, on l'a déménagé deux fois pour en créer des traces dans le passé, ce qui fait que maintenant, on doit visiter ces fausses bibliothèques et bien souvent, les gens qui visitent s'y arrêtent. Peut-on assimiler ces lieux interdits? Peut-on assimiler ces lieux interdits à l'Alaska aux mémoires? Aux mémoires akashiques. C'est l'Akasha, c'est pas l'Alaska. Pas tout à fait comme tout à l'heure, je l'ai dit. Shambhala et Agartha sont-ils des lieux interdits? Explique. Shambhala et Agartha sont des lieux interdits en phase d'épuisement total. Donc, ils seront de plus en plus révélables à l'humain. Sauf que l'Agartha et Shambhala sont des lieux qui sont maintenant extrêmement sataniques. Est-il vrai que Shambhala aurait migré du désert de Gobi et serait présentement au-dessus de Montréal? Pas au-dessus de Montréal.